En 35 ans de carrière, il a toujours suivi les règles. Toute ma vie, j'ai eu pour ambition d'être une personne honnête. Mais pour sa dernière nuit en service, sa vie entière va basculer. Dernière nuit à Milan. Après Le Traître, Pierre Francesco Favino revient dans un thriller haletant. Présenté au dernier festival de Berlin. Dernière nuit à Milan, le 7 juin au cinéma. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Britney Spears, le destin brisé de l'American Sweetheart. En 30 ans de carrière, la star mondiale Britney Spears a incarné toutes les figures modelées par une Amérique sexiste. D'abord, enfant star dans les années 90, elle est devenue la porte-parole de la virginité avant le mariage. Après son tube mondial Baby One More Time, les médias et l'opinion lui ont reproché de passer de la candeur à l'ultra-sexualisation. En 2007, lors de sa dépression, suivie en permanence par des paparazzi sans limite, Britney Spears rejoint l'archétype de la mauvaise mère, puis le cliché de l'hystérique, ce terme employé à tort et à travers et que les femmes combattent tant il est irrespectueux. Placée en 2008 sous la tutelle de son père, Jamie Spears, la jeune femme âgée alors de 26 ans perd la propriété de son corps et de son libre arbitre. Pendant 13 ans d'enfer, elle n'a aucun droit et doit enchaîner les traitements médicaux, les concerts, les albums. « Ma solitude me tue », confesse-t-elle d'ailleurs dans la chanson « Baby One More Time ». En 2019, deux ans après l'électrochoc MeToo et la vague féministe qui a déferlé sur le monde, ses fans découvrent que Britney appartient en fait à un homme. Son père, une véritable emprise. S'ensuit une lutte menée à la fois par la chanteuse et sa communauté pour la délivrer. C'est le début du mouvement Free Britney, aussi spectaculaire qu'efficace. Notre invitée aujourd'hui, la journaliste indépendante Jennifer Padjemi, autrice de Féminisme et Pop Culture, sortie chez Stock en 2021. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Constance Villanova, coordination Christophe Barrère, réalisation Céline Hila. Fabrice Drouel. Affaires Sensibles. Sur France Inter. Mars 1992. À une heure de route de la Nouvelle-Orléans, au cœur de la Louisiane, se trouve Kenwood. Cette petite ville de 2000 habitants fait partie intégrante de la Bible Belt, ou ceinture de la Bible, du nom de cette quinzaine d'États du Sud dont la population se réclame d'un protestantisme rigoriste. Ici, on a l'accent du Sud qui chante, on porte les valeurs traditionnalistes de l'Amérique en étendard et la croix en bandoulière. À Kenwood, comme disent les habitants pro-armes et créationnistes, on n'a pas beaucoup de sous, mais un cœur gros comme ça. Au 14 550 Greenlaw Church se dresse une maison de plein pied, typique des années 70, brique apparente. C'est ici qu'habite la famille Spears. Le père, James Parnell Spears, ou Jamie, est ouvrier dans le bâtiment. La mère, Lyne, est institutrice. Le couple a trois enfants, Brian, Britney et la cadette, Jamie. En ce jour de mars 92, dans sa petite chambre envahie par les poupées et les peluches, Britney Spears, 10 ans, s'entraîne pour sa première télé. Dans quelques jours, elle participera au télécrochet suivi par tous les foyers américains, Star Search. La gamine née en 1981 a de la voix et le rythme dans le sang. Une graine de star au sourire ultra bright et surtout une bosseuse. Oui, même à 3 ans, elle commence la danse. Elle intègre aussi la chorale de la paroisse baptiste de la famille. Et pour couronner le tout, elle passe plusieurs mois avec sa mère à New York pour passer les castings. Lyne, sa mère, a tout d'un manager qui projette sur sa fille les grandes ambitions qu'elle avait pour elle-même. Quitte à la pousser, bien trop. Sa gamine sera une pop star, elle en est persuadée. Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to the 1992 Star Search Final. Le 3 mars 92, du haut de ses 11 ans, Britney passe la première étape de Star Search. Regardée par des millions d'Américains depuis 1983, l'émission présentée par le grisonnant Ed McMahon est une institution. Les enfants peuvent y participer dans la catégorie jeunes talents, avec à la clé $10 000. nœud vissé sur la tête, robe noire et blanc, un micro gigantesque pour une si petite main, Britney Spears harangue le public. Elle remporte le premier round. Le 12 mars, elle est en finale et chante « Love can build a bridge ». L'amour peut construire un pont du duo américain de country, The Jutes. From Kentwood, Louisiana, here is 10-year-old Britney Spears. Mais Britney perd face à son concurrent, un autre môme aux cordes vocales prometteuses. Mais elle ne baissera pas les bras, pas le genre, sa mère non plus, ça va sans dire. Quelques mois plus tard, en décembre 92, Britney intègre le Mickey Mouse Club aux côtés des jeunes futures icônes de la pop culture, Christina Aguilera, Justin Timberlake et Ryan Gosling. Pendant un an, du lundi jusqu'au vendredi sur la chaîne Disney Channel, elle chante et danse sur scène, présente des dessins animés. 12 millions de petits Américains la regardent tous les jours. Dans l'un des épisodes du programme, elle présente sa vie en Louisiane entre le restaurant d'écrevisses, plat typique du Sud et de sa grand-mère, et le basket. Bienvenue dans ma ville natale, Kentwood, en Louisiane. C'est une petite ville à une heure au nord de la Nouvelle-Orléans. Nous venons de la campagne. Quand je rentre à la maison, je retrouve mon accent de la campagne. J'adore jouer au basket avec mes amis. Je pourrais jouer au basket toute la nuit, mais le matin, je dois aller aider ma grand-mère au restaurant. Les gens viennent de partout pour ses crevettes. J'aide à la caisse, je nettoie les tables, j'aide les clients. C'est comme ça que vous devez dépiauter une écrevisse. Enlevez la queue. La tête est la meilleure partie. En 1994, après un an de télé de paillettes, Britney rend ses oreilles de Mickey. Elle retrouve Kenwood et les bancs de l'école dans un collège privé protestant. Elle étudie à la Park Lane Academy. Cet établissement a été fondé en 70 en réaction aux lois qui mettaient fin à la ségrégation dans les écoles aux États-Unis. Les parents ne voulaient pas que leurs enfants fréquentent des élèves noirs. Dans les couloirs de l'école aux fondations racistes et sans complexe, Britney Spears se fait des copines, joue au basket. Mais elle s'ennuie à mourir. Britney enregistre une maquette et l'envoie à différents labels. Mais difficile de percer en solo en pleine époque des boys bands et girls groups. Au milieu des années 90, les Spice Girls, les Backstreet Boys règnent en maître. En 98, après 4 ans de maquette et de casting, un label, Jive Records, décide de lui laisser sa chance. Sa maison de disques est en pleine expansion. Elle a l'habitude de dealer des contrats vertigineux avec de grandes marques comme Coca-Cola ou Disney. Dans leur bureau new-yorkais, la gamine du Sud chante « I have nothing » de Whitney Houston. Jive Records parie sur la jeune Spears, la signe et lui commande un album complet. Parmi les chansons enregistrées en studio, Baby One More Time, tube juvénile initialement destiné au groupe TLC qui a décliné. Avec sa voix nasillarde, Britney raconte l'histoire d'une ado qui regrette d'avoir rompu avec son petit copain et qui souhaite plus que tout qu'il la recontacte. Hit Me Baby One More Time est à traduire par Rappelle-moi encore une fois. Certains y verront un appel à la violence, le verbe hit voulant dire aussi frapper. Modelée comme un pur produit marketing, Britney Spears commence par une tournée dans les centres commerciaux en partenariat avec L'Oréal pendant l'été. Elle a 16 ans. Comme ici. Dotée de ses couettes, d'une chemise blanche relevée au-dessus du nombril et d'un pantalon rouge à carreaux, elle chante avec un micro-casque et ses deux danseuses qu'elle présente sur scène avant de se lancer. Le 28 septembre 1998, Baby One More Time arrive dans les bacs. 550 000 exemplaires sont vendus le premier jour de la sortie. Le titre atteint la première place du classement du Billboard Hot dès la première semaine et il y reste pendant 15 jours. Une déflagration incarnée par une gamine de 16 ans devenue phénomène. La chaîne musicale MTV diffuse un clip d'un mois plus tard, en novembre 1998. Tourné à Venice High, lycée californien qui a aussi servi de décor à la comédie musicale grise, il cartonne. Couette et nœud rose en uniforme, Britney joue le rôle d'une élève qui s'ennuie. L'héroïne rêve alors qu'elle danse dans le couloir de l'établissement entre les casiers avec ses copines. Bien, mais un détail chamboule l'Amérique puritaine du Sud, dont se revendique la famille Spears. L'adolescente a pris soin de nouer sa chemise blanche au-dessus de son nombril, laissant apercevoir une brassière de sport Bordeaux. L'album éponyme du single sort le 12 janvier 1999 et décroche la première place des classements aux États-Unis dans 15 pays. En avril 1999, Britney pose en une du Rolling Stone magazine sur son lit, en soutien-gorge, tenant un combiné de téléphone dans sa main droite et une peluche de Teletubby dans son bras gauche, sur fond de drap en satin rose. Femme-enfant, 100% Lolita. D'un côté, elle devient la meilleure amie pour les ados du monde entier, celle avec qui on rêve de faire un pyjama party, et de l'autre, un corps ultra sexualisé. Au fur et à mesure des singles et des clips, la jeune femme se dévoile et propose des danses de plus en plus suggestives, abandonnant l'uniforme et la candeur lycéenne. Alors, l'Amérique scrute et juge. Les médias s'interrogent sans scrupule face au clip de You Drive Me Crazy, sorti à l'été 99. L'adolescente a-t-elle usé de la chirurgie esthétique pour refaire sa poitrine? La presse ne parle que de ça. En cette même année 1999, le journaliste hollandais Ivo Nieuwe, 53 ans, interroge l'adolescente de 17 ans. Il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé. Lequel? Tout le monde en parle. Ouais, quoi? Eh bien... Votre poitrine. Ma poitrine. Vous avez l'air de vous mettre en colère quand un animateur aborde le sujet. En général, que pensez-vous des implants mammaires? Eh bien, je pense que si c'est ce que vous voulez faire et que ça vous rendrait heureuse, je ne vois pas le mal. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Je pense que c'est triste que les gens pensent que j'ai eu cette opération. Si les fans me jugent ou veulent recevoir une telle opération, ça n'est pas de ma faute. Ce sont les médias qui ont commencé. Mais si vous voulez faire cette opération, c'est bien. Mais moi, personnellement, je ne le ferai pas. Ultra-croyante, Britney Spears revendique sa virginité et cristallise les contradictions d'une Amérique puritaine et capitaliste. Pour plaire aux parents qui vont acheter son album à leurs enfants, elle le promet, elle attendra le mariage. Jive Records, son label, l'encourage à conserver cette image de pureté, parce que c'est bon pour les affaires aussi. Il faut rappeler que dans son école réactionnaire, la future pop star s'est fait laver le cerveau par la propagande du True Love Waits Movement, autrement dit le grand amour attend. Fondée en 92, cette organisation puritaine prône l'abstinence avant le mariage et bourre le crâne des adolescentes dans les écoles privées des États du Sud. Dans une colonne du New York Times intitulée « Esprit d'abstinence », la journaliste Susan Dominus parle de celle qu'elle appelle « la pucelle la plus célèbre après Jeanne d'Arc ». Et elle affirme « Spears sature les enfants de sexualité, puis, comme leur professeur, elle leur dit de garder leur chasteté ». Le 16 mai 2000, Britney sort son second album, Oops, I Did It Again. Il s'en écoule près de 20 millions d'exemplaires. Elle bat alors le record du plus grand nombre de disques vendus par une artiste féminine la semaine de sa sortie et elle signe un contrat promotionnel de 10 millions de dollars avec Pepsi. Les succès s'enchaînent, les scandales aussi. Dans son troisième album, intitulé Britney, tout simplement, sorti en 2001, elle chante I'm a slave for you. En français, « Je suis une esclave pour toi ». Et elle danse dans un clip, un tanga rose au-dessus de son pantalon ultra basse taille. L'Empire Spears s'étend. en 2002. Elle est classée par Forbes comme la célébrité la plus puissante au monde, oui, devant Steven Spielberg. En 2003, elle ouvre les MTV Music Awards et embrasse Madonna, détrônant la reine de la provoque sur scène, s'il vous plaît. Entre 1998 et 2003, de ses 16 à 19 ans, Britney Spears a déjà vendu plus de 73 millions de dollars de CD à travers la planète. En 2004, à cette date, elle est alors l'une des chanteuses les mieux payées au monde et sa fortune est estimée à plus de 180 millions de dollars. Cernée par les paparazzi en permanence, ses relations sont passées au crible. Parmi elles, il y a le couple qu'elle a formé avec une autre idole de l'Amérique, Justin Timberlake, qu'elle a rencontré à 11 ans sur le plateau du Mickey Mouse Club. Chaque apparition sur le tapis rouge de Golden Couple est commentée, analysée, critiquée. En mars 2002, elle se sépare. Lui règle ses comptes par radio et clip interposés. La presse s'acharne contre une Britney Spears qui aurait été infidèle. Elle devient donc bouc émissaire. L'année 2004 marque un tournant. Britney fréquente le danseur Kevin Federline et l'épouse en juillet. Elle interrompt sa carrière. En un an et demi, le couple a deux enfants. Mais après deux ans de relation, en novembre 2006, elle demande le divorce. Les fans s'étranglent et font de Federline l'ennemi public numéro un, celui qui a interrompu la carrière de leur idole. Les médias s'emparent du divorce, comme en témoigne ce plateau du talk show The View, diffusé sur le réseau ABC. L'animatrice annonce la rupture en faisant tomber des confettis dans le public. Nous sommes le mercredi 8 novembre et c'est le jour d'après. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je suis extrêmement excitée. Mais c'est la plus grande nouvelle du pays. Britney Spears quitte Kevin. Confetti. S'ensuit une guerre acharnée et le début de la descente aux enfers de la femme qui pourtant vend le plus de CD au monde. Sensible sur France Inter. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les paparazzi vous laissent tranquille? Je ne sais pas. C'est votre souhait le plus cher? Yeah. Oui. J'aimerais qu'ils me laissent tranquille. Si vous deviez leur parler individuellement, que leur diriez-vous ? Je leur dirais : vous avez des enfants chez vous. Et vous avez une épouse. Et si ce n'est pas le cas, vous devez réaliser que nous sommes des êtres humains et que nous avons besoin de respect et de vie privée. Britney Spears et Kevin Federline se lancent dans une bataille sans merci pour la garde de leurs enfants. En pleine dépression postpartum, Britney n'a aucune vie privée. Les médias analysent chaque mouvement de cette jeune mère de 26 ans. Elle qui était une adolescente dont on remettait en cause la virginité, elle qui est ensuite devenue trop sexy et dont le corps était jugé trop parfait pour être vrai, rejoint la figure de la mauvaise mère. Une photo de Britney en jogging ou faisant du shopping peut se vendre des dizaines de milliers de dollars. Alors les photographes se jettent sur les vitres de sa voiture de luxe à la moindre sortie. On la met en couverture des tabloïdes, son fils d'un an sur ses genoux alors qu'elle conduit. On analyse sa prise de poids en affirmant qu'elle se laisse aller. On la prend en photo alors qu'elle pleure dans un café après avoir tenté vainement d'échapper au photographe. En février 2007, elle se rend chez le coiffeur. Sous les flashs qui crépitent, elle se rase la tête. Cinq jours plus tard, le crâne lisse, elle est dans une voiture conduite par un proche. Il fait nuit. Les paparazzi se collent encore une fois à son pare-brise et lui disent « Comment allez-vous, Britney ? On s'inquiète pour vous. » C'est ce que lui demande l'un d'entre eux en continuant cyniquement de l'aveugler avec son flash. Au volant, son ami s'inquiète et demande au paparazzi d'arrêter. La pop star mondiale descend alors de la voiture en silence, un parapluie à la main et à bout de nerfs attaque le véhicule d'un photographe. De mère indigne, dans les médias, Britney Spears devient hystérique et toxicomane. Malgré la dépression, Britney continue de travailler, beaucoup. Le 26 octobre 2007 sort son cinquième album, Blackout, qui atteint le sommet des classements mondiaux en un claquement de doigts. En février 2008, alors que sa journée de garde avec ses fils s'achève dans sa villa de Beverly Hills, elle fond en larmes. Elle explique au garde du corps de son ex-mari venu récupérer les deux enfants qu'elle souhaite les garder quelques heures de plus. Mais chaque seconde supplémentaire passée avec eux viole le contrat de garde partagé. Alors, pour gagner du temps, Britney s'enferme avec l'un de ses deux enfants dans la salle de bain. Désespérée, elle refuse de sortir. Tenue au courant, l'avocate de Kevin Federline, l'ex-mari, appelle alors la police qui débarque, flanquée d'une ambulance. Les tabloïds sont prévenus, bien sûr. Des hélicoptères survolent la propriété de Spears et du ciel diffusent la scène. Les pompiers entrent dans la maison avec des haches pour défoncer la porte. Une intervention aux allures de scène de crime. Dans la salle de bain, il retrouve Britney Spears perchée sur des talons en tenue de soirée, berçant son fils le plus jeune. Alors qu'elle accepte de le rendre garde du corps de son ex-mari, les pompiers l'attachent sur une civière, direction l'hôpital psychiatrique. Et les paparazzi se ruent sur les vitres arrière de l'ambulance, en tambourinant. L'Amérique jubile face à la chute d'une idole. Comme lors de ce jeu télévisé Family Feud, diffusé en 2008, ou lors d'une manche qui oppose plusieurs joueurs, l'animateur interroge. Nommez quelque chose que Britney a perdu dans les dernières années. Son mari. Eh oui, son mari. Ses cheveux ? Oh oui, énormément. Alors qu'est-ce qu'elle a perdu d'autre ? Elle a perdu la tête. Eh oui, elle a perdu sa tête. Britney Spears perd le droit de visite de ses enfants. Lors de cette descente aux enfers, un nouveau personnage se fait de plus en plus présent face aux caméras et dans les tabloïdes. Son père, Jamie Spears, divorcé de sa mère depuis 2002. Plutôt en retrait pendant la carrière de sa fille, celui qui se présente comme un père courage décide de prendre les devants. Le visage carré, fermé, une mèche sur le côté aux allures de postiche. Jamie Spears l'affirme, il va sauver sa fille. 3 ans plus tôt, en 2004, c'est elle qui le plaçait en cure de désintoxication pour le soigner de son alcoolisme. Soi-disant pour protéger sa fille d'elle-même, il décide de la mettre sous tutelle, temporairement. Le 1er février 2008, devant la justice, il devient le co-tuteur de Britney. Il est chargé de veiller sur son quotidien et sur ses choix de carrière. L'autre co-tuteur, l'avocat Andrew Wallet, gère sa fortune colossale. Sur les documents remplis pour la demande de tutelle, le père coche la case « démence ». Avec cette curatelle d'habitude utilisée en dernier recours et pour les personnes âgées, Britney Spears, 26 ans, ne peut plus prendre aucune décision. Non, elle n'a pas le droit de conduire seule sa voiture, d'aller au restaurant. Quand elle souhaite dépenser de l'argent pour gâter ses fils, elle doit d'abord demander l'autorisation à son tuteur et attendre sa réponse. Son numéro de téléphone est changé en permanence pour qu'elle ne puisse entretenir aucune relation avec le monde extérieur et que ses amis ne puissent pas la joindre. Elle n'a pas le droit de choisir son propre avocat. Pourtant, la popstar reprend le travail, courageusement. Début 2008, elle participe au tournage de la sitcom à succès « How I Met Your Mother » pour un épisode spécial, record d'audience pour l'épisode de la sitcom. Pour quelqu'un censé être atteint de démence, on va dire qu'elle se débrouille bien, n'en déplaise à son rapace de père. Mais en octobre 2008, la mise sous tutelle devient permanente. Son père reste son co-tuteur avec l'avocat Andrew Wallet pour une durée indéterminée, par ici la bonne affaire. Pendant ces 13 années d'horreur, aucune relation amoureuse ne passera le cap de cette tutelle dévorante. 3 mois plus tard, Britney sort son 6e album studio Circus, un succès immédiat comme d'habitude. En 2008, dans le documentaire Britney for the Record, qui filme sa préparation pour son retour sur scène, elle évoque quelques secondes sa tutelle sans en prononcer le nom. C'est son seul témoignage sur le sujet. Si je n'étais pas si entravée, avec tous les avocats, les médecins qui m'analysent tous les jours et tout ça, s'il n'y avait pas ça, je me sentirais libérée. Je me sentirais moi-même. C'est terrible. Oh, je suis triste. De mars à novembre 2009, elle entame une tournée de 97 dates à travers le monde. 1,5 million de fans viennent voir la pop star sur scène pour son Circus Tour. La tournée génère 40 millions de dollars. Directement dans les poches de son père, qui se verse un salaire de 16 000 dollars par mois grâce au succès de sa fille. Le 20 février 2009, sur son blog, un fan, Jordan Miller, relaie la transcription de notes vocales émanant de la star. On l'entend expliquer que son père l'aurait menacé de ne plus jamais voir ses enfants si elle n'acceptait pas sa mise sous tutelle. Le hashtag Free Britney pour Britney Libre apparaît alors pour la première fois sur la toile. En 2013-2017, pendant 4 ans, la jeune femme est sur scène en résidence à Las Vegas. Isolée du monde, elle travaille d'arrache-pied, mais sa santé en jeu. 948 000 tickets vendus, 137 millions de dollars de ventes, 248 shows. Elle prépare même un autre spectacle dans la ville des casinos, un show appelé Domination. Mais le 4 janvier 2019, elle annonce qu'elle annule cette résidence à Vegas en cause l'état de santé de son père, qui se dégrade. Les fans n'en croient rien. Pour eux, il se passe quelque chose, et c'est lié justement à la tutelle. En avril 2019, deux femmes à la tête d'un podcast dédié à leur star reçoivent un message anonyme d'une source se disant ancien membre de l'équipe de tutelle de Britney Spears. La résidence à Vegas aurait été annulée parce que Britney aurait refusé de prendre ses médicaments. Elle est retenue en hôpital psychiatrique depuis janvier 2019, après avoir enfreint une interdiction de conduire. Le hashtag Free Britney envahit la toile, une déferlante. Le 22 avril 2019, des fans protestent devant le West Hollywood City Hall pour demander la levée de sa tutelle. What do we want? Free Britney! When do we want it? Now! Des icônes pop prennent la défense de Britney sur Twitter, comme Cher ou Mariah Carey. Britney demande à ce que son père ne soit plus son tuteur légal. Le 9 septembre 2019, le tribunal confie les décisions médicales pour Britney Spears à Jodie Montgomery, une curatrice professionnelle. Jamie Spears gère encore la carrière de sa fille et surtout sa fortune qui s'élève désormais à 60 millions de dollars. Mais sur Internet, les fans s'obstinent. Quitte à tomber quelquefois dans le complotisme, ils essaient de déceler par exemple des messages cachés sur les publications de leur idole. Mais gère-t-elle seulement ses réseaux sociaux elle-même ? Qu'importe. Pendant l'été 2020, Britney Spears rejoint le réseau TikTok. Un fan commande sous l'un de ses posts « Britney, si tu as besoin d'aide, porte un haut jaune ». Quelques jours plus tard, elle poste une photo d'elle portant effectivement un haut jaune avec en légende « Le jaune est ma couleur préférée ». À l'ère post-MeToo, la sororité et le féminisme deviennent des valeurs essentielles. C'est l'heure du grand mea culpa. Les journalistes ouvrent les yeux sur la couverture médiatique sexiste qu'ils ont réservée à la star et ils présentent leurs excuses. Le 5 avril 2021, le documentaire du New York Times, Framing Britney Spears, fait l'effet d'une bombe. Car les révélations y sont glaçantes. Les enquêtes des médias américains démontrent qu'il est en fait impossible pour Britney Spears de changer d'avocat sans l'autorisation de la justice et que c'est elle-même qui finance celui de Jamie, son père. Pendant plus de 10 ans, la reine de la pop paye, malgré elle, pour son propre enfermement. Par ailleurs, son avocat, Sam Allingham, a tout intérêt à ce que la tutelle persiste. Il y va de ses honoraires. En 13 ans, Jamie Spears, le père donc, a gagné 5 millions d'euros grâce à cette curatelle sur le dos du talent de sa fille, patriarcat délictuel et immoral. C'est l'audience au tribunal de Los Angeles en ce 23 juin 2021 en visioconférence qui va changer la donne. Pour la première fois, Britney s'exprime. Pendant 24 minutes, dans un débit tellement rapide que la juge doit lui demander de ralentir pour que la greffière puisse prendre des notes, elle confie son trauma. Les gens qui m'ont fait ça ne devraient pas pouvoir s'en tirer aussi facilement. Pour récapituler, j'étais en tournée en 2018, j'ai été obligée de la faire. Ma direction a dit que si je ne faisais pas cette tournée, je devrais trouver un avocat et par contrat, ma propre direction pourrait me poursuivre si je ne la faisais pas. En ce moment, avec la tutelle, je ne peux pas me marier ni avoir un bébé. J'ai un stérilé à l'intérieur de moi en ce moment, donc je ne tombe pas enceinte. Je voulais le retirer pour pouvoir commencer à essayer d'avoir un autre bébé. Mais cette soi-disant équipe ne me laisse pas aller chez le médecin pour l'enlever, parce qu'ils ne veulent pas que j'aie d'enfants. Donc au fond, cette tutelle me fait infiniment plus de mal que de bien. Je mérite d'avoir une vie. J'ai travaillé toute ma vie. Je mérite d'avoir une pause de 2 à 3 ans et juste, vous savez, de faire ce que je veux faire. Et j'en ai marre de me sentir seule. Je mérite d'avoir les mêmes droits que n'importe qui, d'avoir un enfant, une famille, toutes ces choses. Pendant l'été 2021, deux membres de la Chambre des représentants aux États-Unis déposent un projet de loi appelé le Free Britney Act. L'idée, réformer les modalités de mise sous tutelle dans le pays pour éviter à d'autres victimes, y compris moins célèbres, de se retrouver dans de telles conditions. Les personnes sous tutelle auront donc un droit de regard sur leur tuteur désigné. Le 12 août 2021, Jamie Spears annonce vouloir abandonner son rôle. Après 13 ans d'enfer, Britney Spears, désormais âgée de 40 ans, publie sur Instagram « Je ressens de la gratitude et je me sens bénie. Merci à mes fans de m'avoir aidé. Que Dieu vous bénisse. » Elle annonce dans la foulée vouloir porter plainte contre son père. Depuis, la chanteuse alimente ses réseaux sociaux et Instagram en particulier. Elle y chronique son histoire d'amour avec l'un de ses anciens danseurs et cherche à avoir un bébé. Celle qui n'avait même plus le droit de regard sur son propre corps pendant 13 ans a définitivement gagné sa bataille et nous renvoie au passage à tous ceux, en France comme ailleurs, qui vous disent « Hypocrite, à quel point il est difficile d'être connu, que c'est l'enfer, alors qu'ils n'en rêvaient que de cela. » Peut-être espèrent-ils qu'on les plaigne ? Eh bien qu'ils se penchent sur l'histoire de Britney Spears. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. Do I hang on down? Losing my hands in a downward road. Do you hear me now? Oh, the taste. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de Britney Spears, dont nous allons parler avec notre invité Jennifer Padjemi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante. En mars 2021, vous avez publié ce livre que je tiens dans mes mains chez Stock qui s'appelle Féminisme et Pop Culture. Vous y rappelez le rôle essentiel de cette culture-là, la pop, hein, comme levier d'émancipation. C'est Antoine de Caunes qui, tous les jours, à ses invités, pose la question. Alors, c'est quoi pour vous la culture pop? Ben, je vous la pose. Alors, c'est une question piège, parce que ça peut être plein de choses. Ben oui. Je pense qu'on vient d'écouter une partie de la définition, c'est-à-dire que c'est un moment qui traduit d'une époque qui permet, en fait, finalement, de comprendre ce qui se passe dans la vie de tous les jours, mais concentré vers des personnalités publiques, concentré vers des industries culturelles qui renforcent des phénomènes quotidiens. Et quel lien entretenez-vous, personnellement? Enfin, pas personnellement, vous la connaissez ou pas? Vous l'avez rencontrée déjà? Alors, je ne l'ai jamais rencontrée, j'aurais bien aimé. Mais quel lien vous entretenez à distance avec elle? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous? Elle a représenté toute une partie de mon adolescence, je pense, comme beaucoup. C'est-à-dire le début des années 2000, fin 90, début 2000, où il y a eu une émergence comme ça d'une nouvelle pop qu'on appelle teen pop. Et voilà, elle représente une adolescence, le collège, le lycée, les tabloïds, les people. Et c'était un moment, vraiment, les années 2000, où il y avait une concentration comme ça, un intérêt vers les célébrités, savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent, où ils sont. Et on l'a vu avec l'histoire de Britney Spears, c'est les paparazzi qui la suivent partout et qui finalement ont aussi nous ont donné de quoi manger parce que on se nourrissait exclusivement des tabloïds à l'époque. Et c'est aussi la dictature de la transparence. Britney Spears le sait mieux que personne. Alors, au-delà de la qualité intrinsèque de sa musique, on entendait tout à l'heure des accompagnements orientalisants. Enfin, c'est une musique bien réfléchie quand même. Hein. C'est pas n'importe quoi. Donc, au-delà de la qualité de la musique, comment vous expliquez ce tel succès? C'est un succès phénoménal parce que c'est vraiment la construction en fait d'une personnalité pop, c'est-à-dire qu'on voit depuis le plus jeune âge, qui est fabriquée presque pour convenir à un public adolescent et leurs parents. Et c'est vrai que Britney Spears représente cette contradiction américaine, c'est-à-dire à la fois représenter l'Amérique d'en bas, plutôt conservatrice, plutôt rurale, qui travaille dur pour gagner de l'argent, et en même temps le capitalisme. Comment on fait justement pour accéder au rêve américain en fabriquant vraiment une histoire, un storytelling autour d'une célébrité, d'une personnalité qui deviendra très public jusqu'à se perdre elle-même. Mais oui. Alors, elle porte aussi un autre paradoxe qui est intéressant. Elle prône la sexualité avant le mariage. Alors, c'est dû à sa famille, c'est dû à l'endroit où elle est née, où elle vit, en Louisiane, sud des États-Unis. Donc, on prône la sexualité avant le mariage et en même temps, virginité. La virginité. La virginité, oui. C'est pas mal d'en prône la sexualité avant le mariage. C'est assez libérateur, ça aussi. Hein. Donc, c'était bien la virginité. Aussi. Voilà. Merci à notre réalisatrice qui vient de me le dire dans l'oreille. Vite, il dit n'importe quoi, là. Ben voilà. C'est corrigé. Donc elle prône la virginité avant le mariage et en même temps l'ultra-sexualisation. Ça c'est un paradoxe qui peut être difficile à comprendre. C'est un paradoxe et en même temps c'est ce qu'aussi les cultures populaires prônent. C'est-à-dire que même quand on voit son premier clip, toute jeune, avec des couettes, mais en même temps une mini-jupe, c'est déjà l'image de la femme enfant qui rassure les familles, mais qui en même temps suscite des émotions pas toujours très saines chez des personnes plus adultes. Et donc c'est aussi ça, c'est comment on fabrique en fait une adolescente pour assouvir les désirs de sexualité d'une Amérique en fait qui aime ça, parce que le capitalisme est aussi basé sur le sexe, c'est-à-dire que le sexe fait vendre. C'est comment on fait en sorte en fait de toujours rassurer les partisans, donc les personnes plus croyantes, et en même temps susciter l'envie, le désir chez des personnes chez qui les paillettes en fait sont toujours très brillantes. Bien, avant de parler des choses qui fâchent, parce qu'on a bien parlé d'une adolescente et non pas d'un adolescent, on va voir comment la misogynie ambiante a participé à cet enfer qu'a vécu Britney Spears. Donc on prend notre souffle avant et on écoute Angèle qui nous chante « On s'habitue ». 14 ans, première fois je m'en rappelle. J'ai des crampes au ventre, une merde de merde. Tous les mois c'est pareil, il y a les jours sans, les nuits sans sommeil. C'est où on apprend qu'on va vivre avec les mauvaises nouvelles. Ouh, on s'habitue toujours à tout, même aux peines, même aux gênes, même à nous. On s'habitue toujours à tout, sauf peut-être à perdre ce qu'on aime. 17 ans, première rupture. Même s'il était temps, mon premier amour, c'est fini, c'est dur. Et d'autres soucis, mais tout finit par passer. Ainsi va la vie, même quand mon cœur s'était déchiré. Ouh, on s'habitue toujours à tout, même aux gênes, même à nous. On s'habitue toujours à tout, sauf peut-être à perdre ce qu'on aime. toutes les fleurs. Un jour on se fane. Pourtant ça fait mal quand s'arrête un cœur. Et moi j'ai grandi, mais malgré le temps passé, jamais je n'oublie ceux qui sans prévenir nous avaient quittés. Oh, on s'habitue toujours à tout. Jennifer Padgemi, nous parlons donc du destin de Britney Spears. Alors, il y a plusieurs façons d'exercer le métier de journaliste, hein, de façon honnête, parfois malhonnête, ça arrive, ou comme des abrutis. C'est ce qu'on a vraiment entendu là concernant les journalistes américains qui ont vraiment fait leur métier comme des abrutis. Le problème, c'est que ça fait des victimes, et notamment une victime. Quel est votre regard sur ce qu'on a entendu tout à l'heure, ce jeu infâme où on dit « qu'est-ce qu'elle a perdu ?» Son mari, gna gna. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que, comme tout le monde, je trouve ça déplorable. Après, ce ne sont pas que les journalistes américains. Il suffit aussi de voir les unes françaises dans les années 2000-2003, le Nouvel Obs qui titrait « Beyoncé a perdu sa virginité alors qu'elle l'avait dit non ». Donc, il y avait vraiment cette obsession autour de l'intimité des artistes. Et c'est vrai que c'était une époque où il n'y avait pas forcément les réseaux sociaux. Donc les tabloïds concentraient en fait les infos qu'on pouvait avoir sur les célébrités et les médias traditionnels jouaient le jeu entièrement. Mmh. Et donc des célébrités comme Britney Spears, et on le voit avec cette fameuse interview sur ABC, va donner une interview fleuve, longue, où on va lui poser vraiment des questions très indiscrètes jusqu'à la faire pleurer, jusqu'à la déstabiliser au plus profond de son être, pour lui faire comprendre en fait qu'elle n'est rien d'autre qu'une starlette. Et ça, en fait, il faut vraiment comprendre que c'était la réalité de l'époque. C'est-à-dire que il n'y avait aucun respect en fait pour un artiste de la sorte. C'est-à-dire que tu es une pop star, tu es jeune. Je ne te respecte pas. Et tous les journalistes du New York Times ou blogueurs, Perez Hilton par exemple, en passant par plein d'autres médias, en fait, jouaient le jeu parce que c'était aussi ça qui faisait cliquer. C'était comment on fait pour gagner des vues, comment on fait pour intéresser un public plus jeune. Et ben en fait, on y va à fond dans la dénonciation, dans l'irrespect et vraiment dans l'intimité de ces célébrités comme Britney Spears. Alors que la vraie souffrance de Britney Spears, ça a été un angle mort médiatique. C'est-à-dire qu'on ne s'y est pas intéressé avant que ses fans, grâce aux réseaux sociaux, il fallait bien un outil pour ça, réagissent, on va en parler. Mais ça, c'est terrible. Ça, on s'en fichait complètement. On s'en fichait. Sans savoir et on n'a pas essayé de savoir apparemment, pas assez en tout cas. C'est-à-dire que quand on s'intéressait à Britney Spears ou à la pop culture, alors on le savait, mais ça a été pris comme un jeu pendant longtemps. Pourquoi ? Parce que on a vu sa chute, entre guillemets, alors c'est une chute qui ne disait pas son nom, quand elle s'est rasée la tête, quand on a vu la manière dont elle a pris son enfant, et que les médias justement ont monté ça en épingle en nous faisant croire qu'elle était devenue complètement folle. Et ça en fait c'est resté longtemps dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire que les gens pensaient en fait que Britney Spears avait des problèmes de santé mentale, ce qui est possible et ce qui était vrai par ailleurs. Vu comme elle était traitée, oui. C'est ça. Sauf que le problème, c'est que c'est resté tellement longtemps que quand on a appris qu'elle avait été mise sous tutelle, beaucoup de personnes pensaient que c'était normal, que c'était presque justifié. Ouais. C'est-à-dire sans savoir vraiment ce qui se passait en coulisses, c'est on l'a vu se raser la tête devant nous, elle est complètement hystérique, donc peut-être que ça lui fait du bien. Et forcément, il y a eu toute une stratégie derrière, puisque on la voyait en tournée, on la voyait faire des concerts, on la voyait sortir des albums, donc on se disait, tant mieux, en fait, cette mise sous tutelle lui sert. Sauf que ça aussi, ça faisait partie de la stratégie, de montrer, regardez, elle fait des tournées, elle est surmenée, donc elle a besoin, en fait, d'une aide. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est vrai que avant que les fans s'emparent du sujet sur les réseaux sociaux, même au départ, c'était quand même pas très bien vu. C'est-à-dire que beaucoup de la presse généraliste s'en moquait, en fait. C'était pas quelque chose d'intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est une pop star, parce que ses fans sont aussi hystériques qu'elle, soi-disant, et donc on s'y intéresse pas vraiment. Et ça a shifté à partir du moment où les médias plus prestigieux, comme le New York Times, le New Yorker, s'y sont intéressés. Et qu'il y a eu ce fameux documentaire Framing Britney qui a vraiment changé les choses et accéléré. C'est le tournant, c'est là, pour vous ? Alors, c'est le tournant, c'est le début du tournant. L'interview Fleuve aussi, dont vous parliez tout à l'heure. Oui. L'interview était importante aussi. Oui. Et puis, bien sûr, le rôle des fans. C'est inédit, ça, cette mobilisation. Alors, je le répète, hein, il fallait avoir l'outil pour ça. L'outil, c'est le numérique, hein, c'est Internet. Comme quoi, c'est bien utile parfois. C'est inédit jusqu'à ce point, c'est-à-dire pour un sujet aussi important, aussi grave, et pour le dénouement qu'on connaît d'il y a quelques mois. Mais c'est pas la première fois que les fans s'organisent. C'est-à-dire que la puissance des fans est extrêmement importante. Mmh. Les fandoms représentent vraiment une partie en fait de ce que les artistes en fait font. C'est-à-dire que sans les fans, il n'y a pas d'artistes. Sans les fans, il n'y a pas de culture populaire. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est que les médias ont aussi méprisé en fait ces fans. C'est-à-dire que plutôt que de les écouter, plutôt que de comprendre ce qu'ils essayaient de dire, ce qu'ils essayaient de dire de leur artiste préféré, elle est en danger, croyez-nous. On les a ignorés, quitte à en faire des personnes totalement désespérées qui pleurent Free Britney à l'écran. Et je pense que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui a vraiment changé les choses, c'est le jour où on a entendu Britney Spears de sa propre voix. C'est-à-dire que finalement, pendant 13 ans, et même encore aujourd'hui, d'une certaine manière, en fait, on parle à sa place. Les documentaires qui sont sortis sont sans elle. Ce n'est pas sa parole à elle. Ce n'est pas elle, en fait, qui décide de dire ce qu'elle a vécu. Décidément. Et le jour, en fait, où on l'a entendue vraiment dire qu'elle avait un stérilé forcé, qu'elle voulait avoir des enfants, qu'elle était malheureuse, qu'elle avait menti à son public en leur disant sur une vidéo Instagram qu'elle était heureuse et qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir, et qu'elle dit « je mentais et je suis en danger, je suis malheureuse et j'ai envie de sortir de cet enfer », je pense que là, il y a eu vraiment un effet de choc. Parce que c'était plus un média, c'était plus un tabloïd, c'était plus un blog ou Instagram, c'était elle, de sa propre bouche, qui nous disait « je suis en danger, aidez-moi ». Alors, parmi les combats des féministes, il y a le combat contre le patriarcat, hein, c'est un édifice de la misogynie. Là, le père de Britney Spears, c'est un exemple, mais horrible, caricatural presque. Oui, c'est un exemple littéral, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on est emprisonné corporellement, moralement par un homme. C'est impossible en fait de s'y échapper. Et donc Britney Spears concentre tous les sujets qu'on traite, dont on parle quand on évoque le féminisme l'emprisonnement vraiment physique, l'emprisonnement moral, le fait qu'elle puisse vraiment ne pas avoir d'agentivité, d'autonomie financière, et la manière dont on l'a perçu, c'est que on se dit comment une personne aussi célèbre peut être emprisonnée. C'est ça qui arrive quand on est une femme, pas que, quand on est aussi une artiste femme, et ça c'est important aussi de le préciser, parce que Britney Spears n'est pas la première et ne sera pas la dernière. C'est-à-dire que c'est l'industrie aussi de la musique, les industries culturelles qui fonctionnent ainsi, et c'est très courant en fait qu'un parent d'un enfant pop star qui devient très célèbre, en fait, gère l'argent, gère la vie, contrôle la vie de son enfant, parce que il y a cette idée de je t'ai mis sur le devant de la scène, donc c'est à moi en fait de contrôler ta vie. Sauf que là, il est allé jusqu'au bout du processus, jusqu'à devenir un bourreau. Bien sûr. Jennifer Padjemi, merci infiniment. Je rappelle le titre de votre livre, Féminisme et pop culture, chez Stock. Merci infiniment, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire de Britney Spears. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman.